t'apprendre. Quand peut-être que j'en m'allume. Tu m'ouvres tes hommes étant jeune. Ce soir est mon fracassé. Prochaine pour nous, quel outrage. Quel sort de bras tu nous excites. C'est nous qu'on n'ose jamais promis. De revenir au nom des années.